d'une ronde. Belzins, break it down. Ils viennent d'ici. Tu contestes, prépare ton test à manga. Belzunce, fleuron des quartiers phocéens. Coincé entre la gare et le vieux port, on n'est pas les plus à plaindre. À domicile comme à l'extérieur, on sévit sur les cafards comme le bégon. D'où sort d'une ronde, Belzunce, break it down. Chacun s'occupe comme il peut, à représenter le quartier, ouais, le quartier. Certains font des t-shirts et d'autres sont champions ou chanteurs reconnus. Tout ça sort de la rue, hein, qui l'eût cru, pas eux en tout cas. Tout sort d'une ronde, Belzunce, break it down. Sur l'ensemble de mon front, pas de rêve gars, une trêve d'or très peu. Les factions sont sur le qui-vive, on n'est pas à l'abri d'un sale coup. Beaucoup sont déçus, et ça cause des plaies à l'âme que l'on ne peut oublier. Impossible aussi d'oublier ceux qui sont tombés, bons ou mauvais. On en garde un souvenir impérissable. Si un jour je deviens vieux, ce dont je doute avec la vie que je mène, j'écrirai un book sur ce quartier. Belzunce. Sort d'une ronde, Belzunce, break it down. Break it down.